À l'occasion de la fête du travail, les ouvriers sud-coréens ont livré le 1er mai les manifestations d'envergure partout dans le pays contre la politique du travail antipopulaire de Park Geun-hye et pour le droit au travail. La Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a organisé simultanément les meetings de la Journée mondiale du travail 2016 et les manifestations dans 15 régions de la Corée du Sud, y compris Séoul. Au meeting tenu au boulevard universitaire à Séoul, ont participé plus de 50 000 ouvriers, comme les membres de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques, de la Fédération générale nationale des sociétés des paysans et d'autres organisations de divers milieux. Le meeting fini, les participants ont marché jusqu'à la place de Chonggye, en portant les publications sur leurs revendications en 5 points. Le même jour, la Fédération des unions syndicales de Corée du Sud a aussi organisé sur la place de Séoul un meeting sous la participation de plus de 50 000 ouvriers.